cet univers à l'infini. Nous sommes des pions sur un tapis, chacun son rôle, comme chez les fourmis. Le scénario est bien écrit. Dans ce décor dont je fais partie, chaque jour est un nouveau défi. Au rythme des saisons de la vie, je suis le chemin qu'on m'a prédit. C'est quoi ce monde où j'ai grandi? Je me demande bien ce que je fous ici. C'est quoi ce monde pas toujours joli? J'ai pas demandé à venir ici. Je n'ai pas de fortune, j'ai pas de Ferrari, mais ce que je possède me suffit. Ma liberté n'a pas de prix, avoir aussi de vrais amis. Là où je vis, je l'ai pas choisi. J'ai du soleil, j'ai de la pluie. Tout le monde rêve d'un paradis où tout serait beau et gentil. C'est quoi ce monde où j'ai grandi? Je me demande bien ce que je fais ici. C'est quoi ce monde pas toujours joli? J'ai pas demandé à venir ici. Le monde avec ses conneries, ses souffrances et puis ses folies. Et quand un nuage se noircit, un autre arrive et s'éclaircit. Qui donc dispose et tire ainsi toutes les ficelles de nos vies? Sommes-nous tous des pantins? Et de qui? D'un fou, d'un dieu ou d'un génie? C'est quoi ce monde où j'ai grandi? Je me demande bien ce que je fous ici. C'est quoi ce monde pas toujours poli? J'ai pas demandé à venir ici. C'est quoi ce monde où j'ai grandi? Je me demande bien ce que je fous ici. C'est quoi ce monde pas toujours joli? J'ai pas demandé à venir ici.